Le mendiant par Anton Tchekhov. Mon bon monsieur, ayez la bonté d'accorder votre attention à un malheureux affamé. Il y a 3 jours que je n'ai pas mangé. Pas un sou pour l'asile de nuit, j'en atteste Dieu. J'étais 8 ans instituteur rural et perdu mon poste par suite des intrigues du Zemstvo. J'étais la victime d'une dénonciation, 1 an déjà que je suis sans place. L'avoué Skvortsov regardait la figure bleuâtre, grêlée, de l'individu qui demandait, ses yeux troubles d'ivrogne, les taches rouges de ses joues, et lui sembla avoir déjà vu cet homme quelque part. « Maintenant, on m'offre une place au gouvernement de Kaluga, » poursuivit le mendiant, « mais je n'ai pas les moyens d'y aller. Aidez-moi, mon bon monsieur, faites-moi cette grâce. Il est honteux de demander, mais les circonstances m'y obligent. » Skvortsov regarda les caoutchoucs de l'individu dont l'un était d'hiver et l'autre d'été, et tout à coup il se souvint. « Écoutez, lui dit-il, il me semble vous avoir rencontré avant-hier à la Sadovaya. Mais vous m'avez dit alors que vous étiez un étudiant chassé de l'université, et non pas un instituteur de village. Vous souvenez-vous ? Non, non, ce n'est pas possible, murmura le quémandeur troublé. Je suis un instituteur de campagne. Si vous voulez, je vais vous montrer mes papiers. » « Cessez de mentir, vous vous êtes donné pour étudiant, et m'avez même raconté pourquoi vous aviez été chassé, vous vous en souvenez ?» Skvortsov rougit et s'éloigna du loqueteux avec une expression de dégoût. « C'est vil, monsieur, lui cria-t-il irrité, c'est de la flibusterie. Je vais vous faire envoyer au poste, que le diable vous emporte. Que vous soyez pauvre, affamé, ça ne vous donne pas le droit de mentir si impudemment, avec un pareil manque de conscience. » Le loqueteux prit la poignée de la porte et, comme un voleur pincé, se mit à regarder l'antichambre. « Je ne mens pas, » bredouilla-t-il. « Je peux montrer mes papiers. »« Qui y croira ?» continua Skvortsov, indigné. « Exploiter la sympathie que l'on éprouve pour les instituteurs de village et pour les étudiants, c'est si bas, si lâche, si infect. » Lancé, Skvortsov sermonna le quémandeur de la plus impitoyable façon. Le déguenillé avait, par son effronté mensonge, déchaînait son dégoût et sa répulsion. Il avait froissé ce que Skvortsov aimait et estimait le plus en lui-même, la bonté, la sensibilité, la commisération. Par son mensonge et son attentat à la charité, l'individu avait comme profané l'aumône que l'avoué aimait, de bonté de cœur, à donner aux pauvres. Le loqueteux d'abord se défendit, jura ses grands dieux, mais ensuite il se tut et, confus, baissa la tête. « Monsieur, dit-il, mettant la main sur son cœur, j'ai effectivement menti. Je ne suis ni étudiant ni instituteur de village. C'est une pure invention de ma part. J'ai fait partie d'un corps russe, d'où j'ai été chassé pour ivrognerie. Mais que puis-je donc faire? J'en atteste Dieu, on ne peut pas ne pas mentir. Quand je dis la vérité, personne ne me donne. Avec la vérité, je mourrai de faim et gèlerai sans asile. Vous avez raison, je le comprends, mais... que puis-je donc faire ? Que faire ? Vous demandez ce que vous pouvez faire, s'écria Skvortsov, s'approchant du guenilleux. Travailler, voilà ce qu'il faut faire, il faut travailler. Travailler, je le comprends bien moi-même, mais où trouver du travail ? Plaisanterie ! Vous êtes jeune, bien portant, robuste. Vous trouverez toujours du travail si vous en avez envie. Mais vous êtes paresseux, gâté, ivrogne. Vous sentez la vodka comme un cabaret. Vous mentez comme un savetier et êtes pourri jusqu'à la moelle des os. Vous n'êtes bon qu'un mendier et un mendier. Pour que vous daigniez consentir à travailler jamais, il faudrait vous offrir un beau bureau, un bon cœur russe, une place de coulissier où il n'y a rien à faire qu'à toucher de l'argent. Consentiriez-vous à faire un travail physique ? Parbleu, vous ne voudriez être ni portier ni ouvrier d'usine. C'est que vous avez des prétentions. Quelle idée avez-vous, mon Dieu ? Fit le mendiant avec un sourire amer. Où en prendre du travail physique? Je suis trop vieux pour faire un commis, parce que dans le commerce, il faut d'abord être apprenti. On ne me prendra pas comme garde-cour, parce qu'on ne peut pas me tarabuster. Et dans une fabrique, on ne me prendra pas non plus. Il faut savoir un métier, et je n'en sais pas. Plaisanterie! Vous trouvez toujours un prétexte. Voulez-vous fendre du bois? Je ne refuse pas. Mais aujourd'hui, les fendeurs de bois eux-mêmes ne gagnent pas leur vie. Tous les paresseux raisonnent comme vous. Ils refusent ce qu'on leur propose. Voulez-vous casser du bois chez moi ? À vos ordres, je vais en casser. Bon, on va voir ça. Parfait, on va voir. Skvortsov s'élança et se frottant les mains, non sans mauvaise joie, il appela sa cuisinière. « Tiens, Olga, mène ce monsieur au bûcher et qu'il casse du bois. » Le loqueteux haussa les épaules comme s'il n'y comprenait rien et suivit, indécis, la cuisinière. On voyait son allure qu'il avait accepté de casser du bois, non parce qu'il avait faim et voulait travailler, mais uniquement par amour-propre et vergogne, comme pris au mot. Il était visible qu'il était très affaibli par la boisson, qu'il était malade, et ne sentait aucune propension au travail. Skvortsov se hâta de se rendre dans la salle à manger. Des fenêtres, donnant sur la cour, on voyait le bûcher et tout ce qui s'y passait. L'avoué vit la cuisinière et le loqueteux sortir par la porte de service et se rendre, sur la neige sale, au bûcher. Olga, fâchée, considéra avec méchanceté son compagnon, et écartant les coudes, elle ouvrit le bûcher, faisant claquer la porte avec fureur. « Nous avons probablement empêché la bonne femme de boire son café, » pensa Skvortsov. « Quelle vilaine créature !» Il vit ensuite le pseudo-instituteur et le pseudo-étudiant s'asseoir sur un billot, appuyer ses joues rouges sur ses poings et réfléchir. La cuisinière jeta la hache à ses pieds, cracha de dépit, et en jugé par le mouvement des lèvres, se mit à grogner. Le loqueteux prit résolument une bûche, la plaça entre ses jambes et frappa de la hache mollement. La bûche roula et tomba. Le miséreux la reprit, souffla dans ses mains engourdies et se mit à refrapper avec la hache, mais avec tant de prudence qu'il semblait craindre de se frapper le pied ou de se couper les doigts. La bûche roula de nouveau. L'irritation de Skvortsov était déjà tombée. Il se sentait un peu mal à l'aise et honteux d'avoir contraint un homme déshabitué du gros travail, ivre et peut-être malade, à faire par le froid un métier de manœuvre. « Ça ne fait rien, » pensa-t-il, en allant de la salle à manger à son cabinet. « Qu'il travaille. Je fais ça pour son bien. » Olga revint au bout d'une heure annoncer que le bois était cassé. « Donne-lui 50 kopecks, » dit Skvortsov. « S'il le veut, qu'il revienne casser du bois tous les premiers du mois. Il y aura toujours du travail pour lui. » Le premier du mois suivant, le loqueteux revint et gagna encore 50 kopecks, bien qu'il tînt à peine sur pied. Ensuite, il reparut souvent dans la cour, et on lui trouvait chaque fois du travail. Tantôt il ramassait la neige en tas, tantôt il rangeait le bûcher, tantôt il battait des tapis et des matelas. Il recevait pour sa peine de 20 à 50 kopecks, et même une fois, on lui donna de vieux pantalons. Changeant d'appartement, Skvortsov le loua pour l'aider à déménager. Cette fois, le miséreux n'était pas ivre, mais sombre et silencieux. Il toucha à peine aux meubles, marchant devant les voitures, tête baissée, n'essayant pas même de paraître affairé. Il se recroquevillait de froid, gêné quand les déménageurs se moquaient de son inaction, de sa faiblesse et de son pardessus usé de bourgeois. Après le déménagement, Skvortsov le fit appeler. « Je vois que mes paroles ont agi sur vous, » fit-il en lui remettant un rouble. « Voici, pour votre peine. Je vois que vous n'avez pas bu et que vous voulez travailler. Comment vous appelez-vous ? Louchkov. Je puis maintenant, Louchkov, vous procurer un meilleur travail. Pouvez-vous faire des écritures ? Je le puis. Rendez-vous demain avec cette lettre chez mon confrère. Il vous donnera des rôles à copier. Travaillez, ne buvez pas. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Adieu. » Skvortsov, heureux d'avoir remis un homme dans le droit chemin, tapa amicalement l'épaule de Louchkov et lui tendit même la main quand il partit. Louchkov prit la lettre, s'en fut, et ne revint plus travailler dans la cour. 2 ans passèrent. Un jour, à un guichet de théâtre, Skvortsov, prenant une place, vit auprès de lui un petit homme ayant un col d'astrakhan à son pardessus et un bonnet de loutre, usé. L'homme demanda un billet de 3e galerie et paya en pièces de cuivre. « Louchkov, est-ce vous ? » demanda Skvortsov, reconnaissant son ancien casseur de bois. « Alors quoi ? Que devenez-vous ? Ça va ?»« Pas mal. Je travaille maintenant chez un notaire. Je gagne 35 roubles, monsieur. »« Dieu soit loué, c'est parfait. Je m'en réjouis pour vous. J'en suis très, très content, Louchkov. Vous êtes en quelque sorte mon filleul. C'est moi qui vous ai poussé dans le bon chemin. Vous souvenez-vous comme je vous ai lancé, hein ? C'est tout juste alors si vous n'êtes pas rentré sous terre. Allons, merci, mon cher, de n'avoir pas oublié mes paroles. Merci à vous aussi, dit Louchkov. Si je n'étais pas venu chez vous, je me donnerais encore pour instituteur ou pour étudiant. Oui, c'est chez vous que j'ai été sauvé, que je suis sorti du gouffre. Très, très heureux. Merci de vos bonnes paroles et de vos actes. vous m'avez très bien parlé. Je vous en suis reconnaissant ainsi qu'à votre cuisinière. Que Dieu donne la santé à cette noble et bonne femme. Vous avez alors trop bien dit ce qu'il fallait. Je vous en serai certainement obligé jusqu'à mes derniers jours. Mais, à proprement parler, c'est votre cuisinière Olga qui m'a sauvé. Comment ça? Voilà. Quand je venais casser du bois chez vous, elle commençait. Ah, sous le maudit, la mort ne venant pas de toi. Puis elle s'asseyait devant moi, s'attristait, me regardait et se désolait. Malheureux que tu es. Tu n'as pas de bonheur ici-bas et dans l'autre monde, ivrogne, tu brûleras en enfer. Infortuné que tu es. Et tout à l'avenant, savez-vous. Combien s'est-elle fait de mauvais sang? Combien a-t-elle versé de larmes à mon sujet? Je ne saurais vous le dire. Mais le principal, c'est qu'elle cassait le bois à ma place. Chez vous, je n'ai pas cassé une seule bûche. C'est elle qui le faisait. Pourquoi m'a-t-elle sauvé? Pourquoi ai-je changé en la regardant et ai-je cessé de boire? Je ne puis vous l'expliquer. Je sais seulement que grâce à ses paroles et à ses nobles actes, un changement s'opéra en mon âme. Elle m'a corrigé, et je ne l'oublierai jamais. Mais il est temps d'entrer, on sonne. Louchkov salua et se rendit à la troisième galerie. C'était Le Mendiant par Anton Tchekhov.